Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Nous remercions le Seigneur pour ce beau temps qu'il nous a donné afin de venir ici pour écouter sa parole. C'est la chose la plus importante dans notre vie. Nous pouvons tout avoir. Le nécessaire pour cette terre. Mais si nous n'avons pas Christ, nous sommes des hommes et des femmes malheureux. L'homme n'a pas d'espoir sur cette terre. Notre espoir, c'est Jésus-Christ. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Et pour la prière. Merci, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi l'unique espoir des saints. Nous sommes ton peuple. Ce peuple que tu as vu d'avance pendant que tu étais dans l'éternité, ce peuple que tu as aimé et ce peuple pour lequel tu as conçu un plan de rachat, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Maintenant ce soir, ô Père, parle à chacun de nous. Révèle-nous tes voix. Seigneur, engendre en nous un véritable amour envers l'œuvre du calvaire. Tu connais chacun de nous d'une manière particulière. Tu connais les problèmes de chacun de nous. Tu connais l'état de notre âme. Ou l'état de l'âme de chacun de nous. Toi qui es le véritable potier, occupe-toi de nos âmes pour que nous reflections ta ressemblance. Merci Seigneur. Bénis la parole. Du début à la fin soit honoré au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Matthieu 22. Matthieu au chapitre 22. Je souhaiterais que vous lisiez tous les chapitres. Mais je vais sauter, je prends seulement le verset 1 et 3. Et je prendrai le verset 14. Suivez-moi très bien. Jésus, Matthieu 22, verset 1 à 3. Et le verset 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Dans son verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que Dieu ajoute la bénédiction. Dimanche, nous avons beaucoup insisté sur la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est que tout homme soit sauvé. Peu importe sa condition de péché. Dieu ne veut pas que nous demeurions des pécheurs. Mungu ashitaki tupate kubakia paka batenda zangu. Dieu ne veut pas que tu demeures pécheur. Mungu apende ubakie paka mtenda zangu. Menteur. Mudanganyifu. Méchant. Mutu wa roho mbaya. Voleur. Mutu mwizi. Haine. Mutu wa chuki. Prostitué. Mutu mkaba. Ivrogne. Mutu mlevi. Féticheur. Mutu mchawi. Fumeur de chanvre. Mutu mwenye kufuta bange. Dieu ne veut pas cela. Mungu atake ile. Si tu es ce que tu es, kama huku kile wewe uliko, c'est par ton propre vouloir. Ni mukutaka tu kwako mukipenda roho yako mwenyewe. Tu es ce que tu es parce que tu le veux. Huko kile uliko juu unapenda kwa vile. Et nous aimerions que cette pensée-là soit cloué en vous. Na tulipendele wazi pati kuingia kabisa ndani yenu. Pour qu'un homme ne se trompe pas en disant, sudi kushikwe mtu apate kudanganya mkusema, si je suis dans telle condition, kama niko mwiali, si je vis cette vie, kama niko naishi maisha, c'est la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. Non, bien-aimé frère. Hapana wapendwa nduku. Non, bien-aimé sœur. Hapana mpendwa dada. Mais remarquez l'écriture que nous venons de lire. Le reste, vous allez le lire à la maison. Le comportement des invités du roi à la fête de son fils. Quand le roi voulait honorer son fils, wakati mfalme alipenda kuheshimishwa mwana wake, dans le fin fond de son cœur, mpana ya moyo wake, il avait des hommes et des femmes qu'il tenait à honorer. Alikuwa na wanaume na wanawake bali alipenda kupatia heshima. Et le roi a fait faire les invitations. Na mfalme aliandikisha maaliko. Il mobilisa ses serviteurs. Akakusanyika watumishi yake. Il leur dit à l'urgence. Akabambia kwa haraka. Allez donner mes invitations à mes invités. Mwende mkapeleke mabarua ya aliko kubali mina alika. Ces invités que moi-même j'ai honorés, pour qu'ils viennent se réjouir avec moi, lors de la célébration des noces de mon fils. Le roi voulait honorer ses invités. Et en même temps, il voulait honorer son fils. Le roi voulait partager sa joie en communiant avec ses invités et en communiant avec son fils. Mais observez les comportements de ses invités. Lakini mwe mwangarishishe tu namna baalika baki barijiongoza. Malgré l'amour, ata vile mapendo et l'honneur manifesté du roi à leur égard, na heshima ile mfalme arba ukanikanishia. Premièrement, kwanza les invités Baliko ne voulurent pas venir. Abakutaki kwenda kukaramu. Ils refusèrent de répondre à l'invitation du roi. Barikatala kujibu kualikwa ya mfalme. Ils méprisèrent l'invitation du roi. Bakazarau ile aliko ya mfalme. Et pour montrer qu'ils étaient, qu'ils avaient refusé par mépris du roi, lorsqu'il reçut l'invitation, ils ne s'inquiétèrent de rien. Avec l'invitation entre leurs mains, aucun d'eux ne s'était inquiété. Ils ont manqué d'inquiétude parce qu'ils méprisaient le roi. Ils Troisièmement, dans le comportement des invités, pour montrer qu'ils ne se souciaient pas de l'honneur du roi, la Bible affirme que chacun d'eux alla dans ses activités sans remords. Ça, vous le lirez dans le verset 5. Chacun alla dans ses activités. Et pour prouver leur méchanceté, quatrièmement, ils outragèrent les serviteurs du roi. Ils ont même outragé les serviteurs que le roi avait envoyés et dans leur méchanceté, et les autres furent tués. Quelle méchanceté! Quelqu'un qui veut te faire du bien, mais toi, tu les récompenses dans le mal. C'est vrai, frère. Est-ce que l'Église est avec moi? Les invités. Invités par amour. Avec joie. Avec honneur par le roi. Ont refusé. Deux, ils étaient sans inquiétude. Trois, chacun est allé dans ses activités. Quatre, ils tuèrent même les serviteurs envoyés. Mais regardez maintenant le comportement du roi. Ou la réaction du roi à l'égard de ses invités. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Mais comme sa table était déjà préparée, est déjà apprêtée, il était obligé d'aller chercher des hommes et des femmes de toute espèce, sans distinction, qui ne s'est même pas proclamé. Voyez, pour venir à la fête, le roi dit, comme j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent, allez maintenant dans les carrefours, les carrefours, les croisées de chemin, les longs de chemin. Quiconque que vous rencontrerez, qu'il soit aveugle, qu'il soit boiteux, qu'il soit borgne, même si c'est un fou, qui qu'il soit, ramenez-le ici. Parce que mon repas doit être mangé par quelqu'un. Ce sont ces hommes et ces femmes qu'il ne sait pas dire pour venir à la table du roi, qui sont changés en dignes pour partager l'affection du roi et l'honneur du roi. Je suis l'un de ceux qui a été croisé tout au long du chemin. Moi, je ne méritais rien. Là où le roi préparait sa fête, je n'étais pas là. Là où il envoyait ses serviteurs, moi je n'étais pas là. Mais ses serviteurs ont croisé mon chemin. C'est vrai, frère. C'est comme nous, l'épouse des nations. Les premiers invités, c'est Israël. Cet homme ou ce peuple que Dieu a tellement aimé. Depuis l'Ancien Testament, les serviteurs, beaucoup de serviteurs, furent envoyés à Israël. Mais regardez, Israël les refusa d'aller au noces de l'agneau. Et même quand le fils bien-aimé fut envoyé, ils l'ont tué. Beaucoup de prophètes, beaucoup de justes et de saints furent lapidés par Israël. Mais nous, qui ne méritions rien, qui ne sommes même pas un peuple, mais Dieu a envoyé ses serviteurs jusqu'à Kambo, pendant que chacun était dans ses activités, chacun ne s'attendait à rien, et la trompette a sonné, par la voix de ses serviteurs, venez manger, mon repas est prêt. Israël qui m'a rejeté n'ira plus au noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Je veux parler de la présence de Dieu. En ce qui concerne le salut, Dieu conçut son plan de salut pour tous les hommes. Après qu'il ait conçu le salut pour tous les hommes, dans sa préscience, il vit trois catégories des personnes sur la terre. Avec trois comportements. Lorsque son plan du salut leur serait exposé. Parce que le plan du salut, comme nous l'avons montré dimanche, contient la prédication de la parole. C'est dans l'évangile de Christ, dans la prédication de la parole, ou c'est pas la prédication de la parole que Dieu lance ses invitations. Et la présence de Dieu a vu. Qu'après que ses serviteurs soient envoyés dans le monde entier, pour inviter les gens au salut, Il y a eu trois catégories de personnes qui se distinguaient. Un, il y a eu un groupe de gens qui, par leur propre volonté, acceptèrent l'invitation. Ils ont dit oui à l'invitation de Dieu pour le salut de leur âme. Quand Dieu regarda, par sa préscience, en parcourant ses yeux sur toute la terre et dans toutes les générations, il eut la première catégorie de ceux qui, par leur propre volonté, notez cela, ont cru, ont accepté l'invitation du roi. Ils ont dit oui à l'invitation. La deuxième catégorie des gens qu'il vit, ce sont des hommes et des femmes qui refusèrent volontairement l'invitation du roi. Ils ont dit non. Nous ne viendrons pas au salut. Et Dieu vit la troisième catégorie de ceux qui croyaient en partie, mais qui n'acceptaient pas l'entièreté de son invitation. C'est ce qui disait oui à une partie de la parole, à une autre il disait mais, il émettait des doutes. Il refusait cela. Il y a des choses qu'ils acceptaient dans la parole et d'autres qu'ils rejetaient. C'est vrai. Je reprends. Dans la présence de Dieu, après avoir fait son plan pour sauver toute l'humanité, la préscience a dit à Dieu, tu as fait un bon plan pour sauver tout le monde. Mais je vois que lorsque ton plan sera exposé à l'humanité, il y a des gens qui l'accepteront, il y a les autres qui refuseront, et les autres l'accepteront à moitié. La préscience de Dieu dit ceci. Accepteras-tu de sauver même ceux qui refusent d'être sauvés? La préscience pose la question à Dieu. Le plan du salut que toi tu as fait est basé et fondé sur ta propre volonté. Mais ce plan qui sera exposé à l'humanité, ce plan qui sera exposé aux hommes, chaque homme a aussi sa volonté. Et parmi ces gens, auquel le plan sera exposé, il y en a ceux qui l'acceptent, il y en a ceux qui le refusent. Et selon ta volonté, tu vas sauver même ceux qui refusent d'être sauvés. Dieu dit, non, Apan. Moi je ne suis pas un dictateur. Je ne peux pas agir contre la volonté de quelqu'un. Je ne peux pas agir contre la liberté de quelqu'un. Ce qu'un homme veut, c'est ce qu'il sera. Dieu qui est à si quelqu'un ne veut pas, c'est sa liberté. Vous voyez, l'Église est avec nous. Dieu répond à sa préscience. Dans mon amour. Dans ma miséricorde, par ma bonté, comme tous les hommes ne sont pas responsables de leur chute, de leur état, je vais les sauver. Mais à moi, ils sont libres. Je les ai créés libres. J'ai ma volonté. Ils ont aussi leur volonté. Je vais laisser à chacun agir selon sa volonté. Mais mon plan du salut, mon plan de la rédemption, selon ma propre volonté, selon mon amour et ma bonté, sera exposé à tout homme sans exception. C'est vrai. C'est pourquoi Dieu, en voyant ces trois catégories de personnes et leur comportement à l'égard du plan du salut, Dieu prit ceux qui avaient accepté sa parole. Il prit tous ceux qui avaient accepté toute sa parole et il les consigna, il les écrit dans les livres de vie de l'agneau. Il vit ceux qui avaient accepté en partie la parole. Il les écrit dans le livre de vie. Et ceux qui avaient refusé sa parole, son plan, les incrédules, bien qu'ils naîtront sur la terre, leur nom fut écrit dans le livre de vie des pécheurs. Dieu écrivit chaque homme et chaque femme dans son livre de vie selon le comportement de chacun à l'égard du plan du salut, à l'égard de l'amour de Dieu et à l'égard de la volonté de Dieu. L'Église est avec moi. Comme il se dégagea trois catégories de personnes. Vile kuronokana mankunji tatu ya bantu. Ceux qui acceptaient sa parole vale ou son plan en partie, mkipande, Dieu les écrit Mungu akabandika dans les livres de vie. Mukitabu ya buzima. Il y a des choses qu'ils croient dans la parole. Il y a des choses qu'ils rejettent. Nous allons expliquer cela. Ce sont ces gens que nous appelons les appelés. Et ces gens seront seulement sauvés. Mais bénéficier d'autres promesses qui sont attachées au salut, ils ne peuvent les bénéficier. Pourquoi? C'est parce qu'ils rejettent une partie de la parole. Qui sont ces gens qui seront sauvés? Mais qui ne peut pas bénéficier d'autres promesses de Dieu, ce sont les appelés. Ceux qui acceptent la parole de Dieu en pratique. En partie. Ils croient que Jésus-Christ et le sauveur personnel. Ni mokozi wabo apeke. Pour eux, après avoir cru, que Jésus-Christ ya kwamba Yesu Christ et le sauveur personnel, ni mokozi wabo apeke, il se limite à ça. Bana shimamia tupaka pale. Et ne veulent pas avancer. Na wapende kusonga mbele. Dans la parole. Ndani ya neno. Il rejette. Bana katala. D'autres promesses, mamalako ingine, ils rejettent d'autres paroles. Manakatala mamaneno ingine. Quand vous lui parlez de la parole de la sanctification, wakati unamwambia neno ya utakaso, ils n'en veulent pas. Abaipende bo. C'est vrai frère. Ndiyo kweli ndugu. Quand vous les renseignez, wakati mnawafundisha, que dans la parole de Dieu, kwamba ndani ya neno ya Mungu, en dehors du salut par la foi, nje ya wokovu kupitia imani, il y a aussi la sanctification, mko tena utakaso, qui vous prépare à l'enlèvement, ile mnamitayarisha mkwenda mkunyakuliwa, ile n'en veulent pas, wapapendele kushikia ile mambo, ils sont satisfaits, bo banajifurahisha, banatosheka tu, du salut, na wokovu ile banashimamia pale, ils croient que Jésus, banaamini ya kwamba Yesu, et leur sauveur personnel. Ils peuvent croire à la guérison, au bienfait que Dieu peut accorder aux gens. Ils peuvent croire même au miracle. C'est vrai. Mais quand il s'agit de la parole de la sanctification, ils n'en veulent pas. Quand vous leur parlez de l'enlèvement, ils n'en veulent pas. Ils disent que non, personne ne sera au ciel. Personne ne sera enlevé. Ils rejettent cela. Ils trouvent que la parole de la sanctification ou la parole prophétique ou d'autres paroles, d'autres enseignements sont trop durs pour eux. Ces enseignements ou la parole de Dieu, certaines paroles de Dieu, c'est impossible de les mettre en pratique. C'est vrai. Certains seront des vierges folles. Ils acceptent une partie de la parole, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont nés dans le royaume, mais ils ne peuvent pas grandir. Nous allons tout ça expliquer. C'est pourquoi Dieu dit, Je les mets dans le livre de vie. Maintenant, ce qu'il a vu, accepter toute sa parole sans exception, il est consignant dans le livre de vie de l'agneau. Ce sont ces gens qu'on appelle élus. Les élus sont les vainqueurs de chaque âge. Ce sont ces hommes et ces femmes. Car la parole de Dieu les est exposée, ils sont prêts à tout sacrifier pour croire toute la parole de Dieu et pour mettre en pratique toute la parole de Dieu. Ces hommes et ces femmes que Dieu a vu par sa prescience, acceptant toute sa parole, acceptant la plénitude de la parole, acceptant de vivre toute la parole, de mettre en pratique toute sa parole, Dieu les a appelés les élus. Dieu les a appelés les vainqueurs. Et leur nom fut écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et Dieu dit, ces élus et ces vainqueurs de l'âge ne se perdront jamais. Peu importe ce que Satan fera, ils ne se perdront jamais. Peu importe les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ils ne se perdront jamais. Ils ont un cœur disposé à croire et à vivre, à mettre en pratique toute la parole de Dieu, sans exception, petit ou grand. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ce sont les vainqueurs. Il faut noter cela. Les élus sont les vainqueurs. C'est à eux que les sept... les sept lettres adressées aux sept de l'église ou aux sept églises de l'Apocalypse est adressée. Notez cela. Apocalypse chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Allez le lire à la maison. Dans chaque âge, Dieu disait à celui qui vaincra, dans chaque âge, il y avait une parole concernant et ses élus, dans chaque âge, écoutez la voix de Dieu à travers le messager de l'âge et se conformer à toute la volonté de Dieu dans leur âge. C'est vrai. À Éphèse, dans son verset 7, chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Ce sont des vainqueurs. Dans le verset 11, pour le vainqueur de la de Smyrne, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À l'âge de Pergame, verset 17, que celui qui a des oreilles pour qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. À l'âge de Thyatire, il y a des vainqueurs, il y a eu aussi des vainqueurs. Vous voyez, dans son verset 28, commençons au verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez, dans le verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai l'autorité sur les nations et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases de l'argile, d'argile, ainsi que moi-même, je l'ai reçu, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. À ceux de là de Sardes, au verset 5, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai mon nom. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'âge de Philadelphie, il est écrit dans le verset 12 jusqu'au verset 13, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. À l'âge de l'Odyssée, dans le verset 21-22, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les vainqueurs de chaque âge. Bashindaji ya mukila kizazi. Accepte toute la parole de Dieu. Bo beko nechika neno yote ya Mungu. Il ne trie pas dans la parole. Abachakula ke mumule mundani ya neno. Il n'accepte pas en partie la parole. Abachikia kipande ya neno. Bateule. Les élus. Aba néglige que sauti ya Mungu ata moya. Ne néglige aucune parole de Dieu. Bateule. Les élus. Banaichika neno la Mungu yote. Accepte toute la parole. Na banasema. Et ils disent. Na banamini. Et ils croient. Banasema. Ils disent. Kila kiote kia kutoka mukina ya Mungu ni paka kweli. La vérité. Mungu asisemake vya bongo. Dieu ne peut pas mentir. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Les vainqueurs de chaque âge ne sont pas enfants de Dieu, mais ils sont fils de Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est de cette manière que les élus se distinguent dans chaque âge. Comment, Comment peut-on reconnaître un élu de chaque âge? Comment peux-tu te reconnaître comme élu? C'est simple. Si dans ton cœur et dans ta vie, tu donnes raison à Dieu en toutes choses, et tu es prêt à mettre en pratique chaque parole de Dieu, à vivre chaque parole de Dieu, vous êtes un vainqueur. Et vous êtes un élu. Pas bien mes frères. Pas bien mes sœurs. Mais si vous acceptez une partie de la parole et vous rejetez une autre partie de la parole, vous n'êtes pas un élu, vous êtes seulement un appelé. Voyez bien mes frères. Mais ceux qui rejettent toute la parole, et ce sont des incrédules. Ils n'ont rien à faire avec Dieu et avec ce qu'il dit. Ils peuvent être les membres d'une église. Mais pour vivre la parole de Dieu, ils n'en veulent pas. Tout ce que la parole de Dieu enseigne, ils ne veulent pas le mettre en pratique. Ce sont des incrédules. Ce n'est pas seulement les devins, les féticheurs, tous ceux qui sont des prostituées. Non. Vous pouvez être ici dans l'église, mais un incrédule. Des années, des années. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Quand on observe ta vie, il n'y a aucun fruit de la parole. Quand on observe ta vie, tu vis ta propre vie contraire à la vie de Dieu. Même si on t'exhorte, même si vous prenez les notes, tu prends les notes, tu comprends la parole, mais tu n'as pas la révélation de la parole. Pour la mettre en pratique, c'est difficile pour toi. Pour un élu, il n'y a rien de difficile dans la parole de Dieu. Il n'y a rien d'impossible dans la parole de Dieu. C'est les caractéristiques des élus. Pour des élus, pour eux, il n'y a rien d'impossible dans tout ce que Dieu dit. Ils sont toujours obéissants. Ils ne cherchent jamais à contourner la volonté de Dieu. Ils agissent en toutes choses selon la volonté de Dieu. Ils se réjouissent en toutes choses de mettre en pratique la parole de Dieu. Même si cela semble être impossible à un homme de chair et de sang, pour un élu, cette parole est facile à accomplir. C'est ainsi que Dieu, Mungu, il dit comme la préscience lui a révélé. La préscience de Dieu ne ment pas, ne peut pas lui mentir. Il dit non, comme tu les as aimés, et n'est que ta volonté est de les sauver tous sans tenir compte de leur état du péché. Mais ces hommes et ces femmes ont leur propre liberté. Ils ont leur propre volonté. Les uns accepteront ta parole. Ils accepteront le plan. Les autres l'accepteront en partie. Et les autres les rejetteront. Alors, comme ce sont les trois catégories de gens, les uns, les élus, seront sauvés et ils vont bénéficier de toutes les bénédictions rédemptrices en Christ. Mais ceux qui ont accepté une partie de ta volonté, de ta parole, ou de ton plan, ils seront sauvés, mais ils ne peuvent bénéficier de toutes les bénédictions rédemptrices en Christ. Mais ceux qui ont refusé ton plan, ceux qui ont rejeté ta parole, ce sont des incrédules, et ils seront perdus. C'est comme ça que Dieu a écrit chacun, le nom de chacun de nous, selon ce que sa préscience avait vu. La préscience pose la question à Dieu. Est-ce que tu ne peux pas écrire dans ton livre là? Ngoi, José, Jean-Marie, Mundu, Rebecca, Sarah. Tu ne peux pas écrire ça? Et tu as aussi quand tu as Dieu dit non. Mon comme ils ont leur propre volonté. Je vais seulement exposer ma volonté. Mais mon plan. Alors, ça, ça. Dans les livres de vie, je vais seulement voiler le nom de tout homme. C'est pourquoi, allez prêcher l'évangile, il envoie maintenant les serviteurs. Allez prêcher l'évangile, voyez, sur toute la terre. À celui qui croit. Toi, envoyer seulement le Fils. Ouais, que le Fils meure pour tout le monde. Tout le monde a confié à tout bout. Envoyer seulement le Fils. Tout le monde. Mais celui qui voit le Fils, quiconque croit au Fils, anaamini kwa mwana, il sera sauvé. Ataokolewa. Mon nom se trouve là. Jina yangu kupani. Mon nom c'est celui. Jina mon nom c'est quiconque. Ni ayote. Yote. Quand l'évangile a été exposé, wakati injili bari tangaza, je me suis vu dans la parole. Pour voir votre nom dans la Bible, jina yako ndani ya Biblia, il faut être un élu. Inafaa ukuwe mteule. C'est comme les gens posent la question. Ni vile watu wanauliza. Se trouve le nom de Branham jina Branham iko wapi mbiblia? Le nom de Branham. Jina ya Branham. Se trouve dans Malachie chapitre 3. Iko Malachie sura ya 3. Chapitre 4. Il faut être un élu pour voir le nom de Branham. C'est ainsi, frère. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que Dieu t'avait vu faire. Dieu n'a pas contraint quelqu'un. Muntu. Non. Apan. Il a seulement constaté angari, comme des fois dans nos maisons il est très caraca dans votre auto comme nous demeurons avec les enfants on angaria, tu regardes uri bazala, banakomea, les enfants ils ont grandi on angaria, oui, mutoto, tu regardes l'enfant ici oui, mutoto, cet enfant ata komea muzuri na benjaki ne grandira pas bien avec ses amis. Tous, c'est toi qui les as engendrés, ils viennent de ton sein. Mais celui-ci, son travail, Bouiji Nabongo, le vol et le mensonge, c'est son travail, c'est sa vie. Una foka unachoka. Una pika unachoka. Est-ce que mapenzi ya wewe baba? Mapenzi ya wewe mwana, mama. Ni mtoto wa mwanamke akuwe ndumba? Et que ta fille soit un voleur. Ni mtoto wa mwanamume akuwe mwizi? Et que ton fils soit un voleur? Tu observes impuissant. Wewe unaangalia bila nguvu. Parce que mtoto unazala. Sababu la foka tu as engendré. Ta volonté yake iko libre. Là ta propre volonté, il est libre. Tu regarderas celui-là. Si tu regardes comment il se conduit, si tu dis quelque chose, et il fait ce que toi tu aimes. Tu es ma fille, j'ai confiance en toi. Je ne veux pas écouter les paroles des garçons jusqu'à ce que tu finiras les études. Hein? Elle aussi. Je veux bien te voir au cours de Dieu et les études, pas autre chose. Et cette fille, ce n'est pas que les garçons ne la dérange pas. Ce n'est pas que elle n'a pas de sensations dans mais son corps. Dans son cœur, cette fille, ou ces garçons, respecte seulement son père. Respecte les parents de son père. Les parents de son père sont plus puissants et précieux que les sentiments qui s'élèvent en elle ou en lui ou les sollicitations des garçons ou des filles. Ce n'est pas les parents. Aina bazazi. Kama garçon anamfuata, si un garçon le disait laisse. Kule bado mfuatia yeye anako. Là où on la suit. Kule anako. Il n'est pas là le papa. Mais il a la parole de son père. La fille en elle, elle a la parole de son père. Dans son cœur. Moi waki. Moi, non. Je n'aime pas voir les problèmes de mon papa. Je n'aime pas voir les problèmes de ma mère. Il faut que je termine seulement les études. C'est-à-dire que je commence les problèmes de mariage. Si on l'a su pour le mariage, elle dit non. Vous voyez? Non, non. Est-ce que vous comprenez cette chose? Est-ce que vous comprenez cette chose? Il a ou elle a des dispositions. Mais tout le monde a manié en Daniaki. Elle accepte volontairement, anechika kwa uru, librement, kwa uru, les instructions de son père. Mafundisho ya wazazi yake, ya baba yake. Na wewe unaangalia sema. Et toi tu regardes. Huyu mtoto. Cet enfant. Eko mtoto wake. C'est un enfant. Utaona mtoto mwingine. Vere encore un autre enfant. Ye eko ne jokipe sana na banduku yake. De ses frères. Utaona mwingine. Et l'autre. Baka mloko akalofika. Eko ni. Son petit le frappe. Il riposte. Il est toujours colérique. Mais tu verras un autre. Il a pitié. Il a pitié de ses frères. Toi, les parents, tu vois, tu dis, Uyu, celui-ci sa famille. Va réunir la famille. Yeah, lui-même ne sait pas. Tu vas dans ta chambre. Yako, dans ton carnet. Testament yako, dans ton testament. Kufua, si je mourrai. Mali yangu yote. Toute ma sera pour. Na José. Avec José. Parce que atachunga famille mzuri. Babu, il va bien garder la famille. Vous voyez? Naona. Est-ce que wenjori mupachia? Il est roi à Bouluma. Est-ce que c'est toi qui lui as donné ce cœur miséricordieux? Non. Il entend seulement les conseils de papa. Et il a compris. Dans sa volonté. La furaha, avec Bila Magumu. Sans papa. Les conseils de papa. Lui ne voit pas difficile. Mumile, mumitindo, dans papa est qu'on a sema. De ce que son papa dit. Mumitindo, yote a papa. Les ordres de papa. Lui, ça, ça lui réjouit. Il aime cela. Apende kuzunisha. Il ne veut pas blesser le cœur de son père. C'est ça le comportement des élus. Que Dieu bénisse, on va continuer. Qui a compris jusqu'ici? Ça va, trois catégories. Ça va. Nous avons vite connu. Nous avons connu pour le. Priez Dieu pour moi que j'aille lentement. Pour que vous compreniez. Afin que vous ne puissiez pas te. Oh papa, qu'on a bouti à cousi. Papa, qu'on a bouti à cousi. Maman a penda qu'à paka oule. Oh, papa, tu ma mère aime celui-là. Le comportement yako. C'est ton comportement yako. Dieu, il t'affoigne que papa a coupende. C'est ce qui ferait que ton papa puisse aimer. Dieu, il t'affoigne que papa a. C'est ce qui ferait que ton papa. A coupati et bintu bia mingi. Te donne beaucoup de choses. Bila, ouais, coupati à batote bantombo. Qui ne peut pas donner aux enfants rebelles. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons continuer demain. Tuta endelea kesho. Lève-nous pour la prière. Usimame juu ya maombi. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidi. À être de véritables élus. Tukue bateule ba kweli. Des hommes et des femmes banaume na banamuke, qui ne rejettent pas la parole de Dieu. Mungu, des hommes et des femmes banaume na banamuke, qui sont prêts à mettre chaque parole de Dieu sans exception. Ya Mungu, des hommes et des femmes banaume na banamuke, qui ne crient pas dans la parole. Des hommes et des femmes banaume na banamuke, qui veulent pleurer au Seigneur en toutes choses. Qui ne veulent pas trister leur Dieu en toutes choses. Prions-nous tous ensemble. Seigneur, merci. Buana. Parce que ta parole est la vérité. Nous t'aimons, Seigneur.